amène par la foi pour quelques-uns d'entre vous. Vous n'avez pas entendu. On va faire confiance que Dieu a parlé à travers Roger. Des fois, quand on prie, on ne pense pas de parler fort hein, pour les autres. On va faire appel à votre mémoire. Le psaume premier. Regardez pas dans vos Bibles. Ensemble, on est capable de retrouver. Moi, je l'ai pratiqué le matin, fait que je vais vous aider. Mais je le sais depuis pratiquement le début de ma vie de croyant, de saint. Ça commence par heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui sur des pécheurs, qui ne s'assied, mais dans la loi et qui il est qui donne. Donc, ne se fait prier point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et il n'en est pas des méchants. Ils sont comme la paille. Ça, on commence à avoir plus de misère, là. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, au jour du jugement, ni le pécheur, car et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça nous interpelle beaucoup, ça se passe. Hein? Ça nous parle d'abord d'une bénédiction, puis en même temps, ça contient une malédiction. Vous êtes d'accord? Connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs, il la connaît aussi. Mais elle n'amène pas à la même place. On est d'accord? Il est sérieux, ce psaume-là. Puis il appelle la bénédiction sur l'homme qui fuit la voie des pécheurs, hein, qui ne s'assied pas en compagnie. On a une gradation. Mais aussi qui fait quelque chose à la place. Il ne fait pas juste fuir. Il met quelque chose à la place. Il médite la parole de Dieu jour et nuit. Là, j'imagine que tout le monde se voit en train de lire la Bible. 24 heures sur 24. Il ne dort même plus. Après une semaine, on est à terre. Oui, qui est déjà en avance, toi, là. On dirait que tu as vu mes notes. Tu répètes ça à la fin. Il y a un appel aussi sur le pécheur là-dedans, de ne pas rester dans cet état-là. Mais si tu te comportes comme un méchant, tu vas hériter ce qu'un méchant a. Vous vous rappelez, on a étudié le livre de l'Apocalypse, et une des grandes révélations qu'on a eues au travers le livre de l'Apocalypse, je vais juste répéter, ça a été la découverte. Dans le fond, on le savait, mais sans le savoir, sans trop avoir réfléchi, c'est la venue du royaume de Dieu. Tout le monde est d'accord? C'est au même point? Et en particulier, on a peut-être saisi peut-être une profondeur sur la prière, on dit la prière dominicale, mais qui est la prière que le Seigneur a enseignée. Hein? Quand vous priez, dites Père, hein, qui est aux cieux. Si vous le faites avec le vous, notre Père qui est aux cieux, il y en a qui disent avec le vous, là. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là-dedans, la prière des croyants est axée sur le royaume de Dieu immédiat, mais particulièrement sur la partie future du royaume de Dieu, celle qui vient, celle où la justice de Dieu va régner. Et en Matthieu 6, 31-34, là, c'est le thème qu'on a abordé cet été. Hein, c'est là-dedans que Jésus va dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez pas de rien. » Ça, c'est le contexte. Il va déclarer à la fin, ce sont les païens qui le cherchent. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Si vous voulez, avec l'étude de l'Apocalypse, on est focusé sur la partie future, particulièrement sur la partie à venir du royaume de Dieu, où la justice de Dieu va régner et elle va régner de façon exclusive. Il n'y a plus de place pour le pécheur. Le psaume premier nous le dit, le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes, c'est la ruine qui l'attend. Donc, quand Dieu va établir le royaume, quand il va manifester le royaume, la justice va régner et pas l'injustice. Ceux qui ont été déclarés justes vont régner avec Dieu, avec Christ. Ça va? Mais, on n'est pas encore rendu là, vous en convenez avec moi? Pas de réponse? Vous êtes convaincu qu'on n'est pas encore rendu à ce moment-là? On ne l'est pas. La justice de Dieu ne règne pas de façon absolue. Elle règne actuellement dans la partie qu'on va dire le corps de Christ. Il y a une partie visible au corps de Christ et toutes les églises qu'on peut voir à la surface de la terre. Mais elle règne particulièrement dans les enfants de Dieu qui sont dans le corps de Christ. Il n'y a pas juste des enfants de Dieu dans le corps de Christ. Il y a des gens qui passent pour être des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas aussi. Il y a des scandales actuellement dans le royaume. Ça, il y a plein de paraboles qu'on n'a pas encore regardées, qu'on va peut-être regarder cet été. Mais il y a un aspect immédiat du royaume de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Et on est dans cet aspect immédiat-là pour l'instant. Et la semaine passée, on a vu avec Jean-Claude un de ces aspects-là avec la parabole du semeur, les paraboles dans Marc 4. Là, on va y revenir tout à l'heure à la parabole du semeur. On va insister sur un point. Parce que Jean-Claude, la semaine passée, dans sa grande sagesse, dans la sagesse de Dieu, a sauté deux versets, à peu près. Puis il m'a convaincu cette semaine d'insister sur ces deux versets-là. Fait que tant pis pour ses oreilles, vous allez entendre parler d'oreilles ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est le passage qui a été sauté avec les versets qui viennent en dessous. Fait qu'on va retourner dans Marc 4, mais on ne fera pas la lecture au complet de Marc 4. Je veux juste vous faire remarquer des points. Et un des points que Jean-Claude a fait ressortir, parce que souvent on prend la parabole du semeur pour décrire que ça s'applique quand on annonce l'Évangile et la réponse de certaines personnes à la semence du semeur, réglisse. Seulement l'annonce de l'Évangile. Avec Jean-Claude, on s'est aperçu que ceux qui ont les oreilles pour entendre, en particulier, ce sont les enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu peuvent aussi avoir un comportement similaire s'ils ne font pas attention à ce qu'ils entendent. C'est de ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. C'est de décrire ça. Fait que si vous commencez avec moi, on va relire la parabole du semeur rapidement. C'est pas la parabole du semeur qu'on va enseigner, mais c'est notre contexte qui est là-dedans. Si on commence au verset 11, on va commencer avec l'explication. On la lira pas, on va juste lire l'explication à partir du verset 11. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ici, Dieu pose une condition importante à certains individus. Regarde, quand tu vas entendre, là, les paroles que tu vas entendre, la manière que tu vas les traiter, ça va décider de bien des choses. Vous allez voir que c'est important. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? En passant, remarquez que Jésus ne fait que dire la parabole jusqu'à date. Il ne fait que dire. Il parlait avec des mots. parler qu'avec des mots. Le semeur sème la parole, les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont, regardez le mot, entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils, vous le dites, tout le monde le lit en même place, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui, la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui, la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. À vous l'insistance de Jésus sur entendre. Et dans la parabole, dans le contexte où Jésus donne la parabole la première fois, c'est lui le semeur. C'est lui qui dit la vérité. C'est lui qui la propose aux hommes. Et les hommes qui sont devant lui sont divisés en quatre groupes, qui entendent. Ils ont tous entendu. Donc, quand on arrive plus bas au verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ça s'adresse à tous ces hommes-là. Il y a 400 références avec le verbe « entendre » à « kouo ». En grec, là, à « kouo », ou c'est dérivé à « kouen », l'infinitif, les différents temps, là. 400 dans le Nouveau Testament seulement. Et je dirais 250 à 300, je n'ai pas tout compté. C'est relié à « entendre, comprendre ». Ça nourrit le cœur. Ici, on voit, on va le voir tout à l'heure, là, tu devances un peu, ce qu'on va voir tout à l'heure, qu'entendre, c'est pas juste écouter des nouvelles. C'est un moment particulier que Dieu fixe avec chaque individu qui sont confrontés avec la semence, qui reçoivent une semence. La question? C'est le même mot. Il y a même des endroits où le mot « entendre » traduit une prière. Quand Jésus est devant le tombeau avec Lazare, devant le tombeau de Lazare, il dit à Dieu, « Je sais que tu m'exauces toujours. » C'est le mot « entendre ». Je sais que tu m'entends toujours. Là, je n'ai pas le temps de faire avec vous. Je veux dire, j'en ai sorti quelques-unes des perles. Là. Je vais vous faire tout à l'heure un petit peu un survol rapide. Mais on ne passera pas au travers le matin. Là. Puis je n'ai pas la moitié. Mais je vais souligner quelques perles tout à l'heure avec les oreilles et les entendre. Avant d'arriver à notre texte, le texte qu'on va regarder, c'est « Si quelqu'un a des oreilles, versets 23, 24 et 25, là, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on ajoutera pour vous, car on donnera celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est ça le passage qui a été sauté, les deux derniers versets-là. Mais avant d'arriver là, Jésus a donné une autre parabole, une autre comparaison avec la vie courante, parce que la dernière personne qui entend dans la parabole du semeur, c'est celle qui porte du fruit. Et il va en être tout de suite une... Puis si vous lisez les passages parallèles dans Luc et dans Matthieu, vous apercevez que ça suit immédiatement aussi. Il y a un message là-dedans important à détecter. Jean-Claude en a parlé la semaine passée, mais on va juste se le rappeler un petit peu. Apportons la lampe. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas sur le chandelier? Mais ça n'a pas de bon sens. On n'allume pas une lampe. Aujourd'hui, on allume une lumière. Là. C'est comme si vous preniez la lumière qui est au plafond. Anciennement, dans la maison, on avait une corde avec une lumière et une ampoule au bout. Les premières lumières qu'on a eues dans nos maisons, c'est ça. Une corde twistée. Les vieux ici s'en souviennent. Les jeunes, ça ne veut rien dire. Ben là, c'est comme tu avais allongé le câble, puis tu l'avais mis en dessous d'une chaudière, puis tu allumes la lumière, ça sert à rien. Dans le temps, ben c'était des bougies, c'était des lampes à l'huile, une sorte de forme comme ça. Tout le monde, de tous les temps, la lumière, c'est quelque chose d'essentiel. Dans une maison, il fait sombre, surtout le soir, surtout vers la nuit. Et la lumière, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour faire des choses courantes dans la maison. Là. Si on veut rien, on fait rien. Il y a à peu près juste Manon qui peut. Il a réussi à développer un talent fou là-dedans. Dieu lui a appris des choses à travers son handicap, sa cécité. Mais nous autres, on n'est pas comme ça. On a vraiment besoin de lumière pour travailler, pour opérer. Fait qu'on ne met pas une lumière sous un boisseau. Hein? Donc, celui qui porte du fruit dans la terre, la quatrième terre, qui reçoit la semence, qui reçoit la parole, qui entend la parole, est appelé à être mis sur un chandelier. Et on va voir tout à l'heure, on va s'intéresser à ce que le Seigneur veut dire par porter du fruit. Souvent, on pense que ça veut dire juste parler. Une lumière, ça parle pas, ça éclaire, ça montre. C'est intrinsèque dans sa vie. C'est intimement lié. C'est de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Donc, on regarde la lumière. On l'examine. Puis, plus que ça, on examine ce qu'elle nous éclaire. Et ça nous apporte à prendre des actions en fonction de ça. Il y a quelque chose de profond dans cette comparaison que Jésus fait. Puis, il va ajouter, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Notre passage ici, là, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, là, Jean 14, 6. Hein, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, là, quand vous le regardez, vous voyez la vérité. Pas juste dans ses paroles, dans ce qu'il fait. Mais il dit aussi la vérité. Mais il est la vérité. Et vous savez, le terme chrétien qui a été donné aux croyants, aux saints, terme qui était méprisant, qui voulait dire petit Christ. En québécois, là, c'est très problématique de dire ça parce que c'est un blasphème qui est utilisé dans le monde. Là. Mais ça a le sens péjoratif de petit Christ. Minus. En fait, il y a un fond de vérité là-dedans. Les croyants n'aimaient pas ça, se faire traiter comme ça, parce que c'était méprisant. Les gens l'utilisaient avec mépris. Les saints, les enfants de Dieu, les frères n'aimaient pas ça. Ils ne s'appelaient pas des chrétiens entre eux autres. Mais, d'une certaine manière, il y avait un fond de vérité. Quand on voit un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus-Christ. Fait donc, vous réalisez ça. Quand je regarde un enfant de Dieu, je regarde Pierre, dans ta vie tous les jours, Pierre, c'est pas ce que tu dis que je vais voir, c'est ce que tu crois vraiment. Et ce que tu crois vraiment, c'est conforme. Tes actions sont conformes à ce que tu dis. Vous êtes d'accord? Je n'invente rien? Donc, d'une certaine manière, vous êtes la vérité. En devenant croyant, en devenant frère de Jésus-Christ, en devenant enfant de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de vous des vérités vivantes, des lumières qu'on met sous des chandeliers. Que vos actions soient vraiment réglées en fonction de ce que vous dites être. Et je dirais un autre corollaire de ça, dites rien si vos actions ne sont pas réglées. Si vous ne marchez pas par la foi. Je regarde toujours Gilles comme s'il était coupable, là, mais il est en avant de moi. Vous autres êtes trop loin. C'est pas que je vous méprise. Ça va pour ça. Fait que Jésus donne cette petite parabole-là de la lampe mise sur le boisseau, juste après la terre qui porte du fruit. Parce que le but de Dieu, c'est que la semence qui est mise dans le cœur de l'homme porte du fruit, soit une lumière. Parce qu'actuellement, Jésus est dans le ciel. Et la manière dont il parle à l'humanité, c'est à travers les enfants de Dieu. À travers la terre qui porte du fruit. Donc, individuellement et collectivement, on est une lumière. Mais individuellement, chacun dans notre coin, on n'est pas séparé de la grande lumière, on est des petites lumières qui brillent un peu partout. Ça va? Maintenant, on arrive à notre passage que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, Jésus, c'était après cette deuxième parabole-là, là, il dit cette phrase-là. Cette expression-là, là, juste l'expression que celui qui a des oreilles pour entendre, là, ça revient 13 fois dans le Nouveau Testament. C'est répété à plusieurs reprises dans les Évangiles, mais dans l'Apocalypse, qu'on a lu, les messages aux sept églises, c'est dit un petit peu différemment que celui qui a des oreilles entend. C'est pas des oreilles pour entendre, mais des oreilles entend, mais c'est le même sens. C'est le même verbe. C'est le même mot, oreille, qui est utilisé. Dans l'Apocalypse, c'est répété dans les sept églises, ce message-là. Et en Apocalypse 22, 18, à la fin de tout du livre, une formule un petit peu différente, je vais juste vous la lire. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera, les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est un peu similaire, une formule un peu similaire. À quiconque entend les paroles. Dans Apocalypse 13, 8 à 10, aussi, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, formule similaire aussi. Ça, c'est en rapport avec quand l'homme du péché va régner, il va établir son royaume, il va persécuter les siens. Puis là, Jésus déclare dans le livre, Dieu déclare dans le livre que celui qui a des oreilles entend. Ceux qui vont persécuter par l'épée vont périr par l'épée. Ceux qui vont aller en captivité vont aller en captivité. Rappelez-vous le passage? On l'a étudié déjà. Puis, si vous faites une recherche avec le mot akouo, ben là, vous allez trouver 400 références. Je vais vous en lire quelques perles. Peut-être juste avant. Il y a deux sens par lesquels Dieu parle au cœur de l'homme. Combien en a de sens, les hommes? Femmes. Hommes et femmes. Cinq. Louis. L'odorat, le goût, le toucher et les yeux. Okay? Ce qui nourrit le cœur, il y en a deux parmi ceux-là qui nourrissent le cœur. Et Louis. Hein? Ceux qui sont en boum. Deux oreilles. On a reçu deux oreilles pour écouter. Maintenant, je suis pas en train de dire que tu n'es pas nourri. Dieu t'a donné quelque chose en compensation, OK? Toi, t'as quatre oreilles. Mais vous êtes d'accord avec moi? C'est par ces deux sens-là en particulier. Vous avez un passage là, dans Matthieu, il dit « L'œil est la lampe du corps. Prends garde à ce que la lumière qui est en toi soit ténèbre. Si ton œil est en mauvais état, vous en rappelez ce passage-là, là, je le dis dans le désordre, mais c'est le sens ici. Que le cœur est nourri par les yeux et par les oreilles, parce qu'il entend. Et ça fait du sens. Premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu... Oui, vas-y, Hélène. C'est que ton œil peut être en mauvais état parce que, je ne sais pas, tu es dans une situation où tout ce qui t'entoure... amène à filtrer la lumière qui rentre en toi. C'est parce que moi, un matin, c'est les oreilles que je veux me concentrer. Je n'ai pas regardé. Il n'y a pas beaucoup de passages sur les yeux. Il y a beaucoup plus sur les oreilles. Oui. Oui. Oui. C'est quelque chose, ouais, c'est ça. Une parabole qui essaie de faire comprendre quelque chose spirituel. Je répète pour l'enregistrement. Mais, on ne regardera pas trop l'aspect des yeux. Je vous dis simplement, par rapport aux oreilles, c'est du 10 pour 1. Les oreilles, on en traite à peu près 10 fois pour une fois dans les yeux. C'est pas que les yeux sont pas importants, mais on va se concentrer particulièrement sur ce qu'on entend. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, pourquoi c'est si important ce qu'on entend? Il y a une connexion entre plusieurs Oui, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Pourquoi c'est si important? Premier mot de qu'on a dans la création, Dieu dit. Si Dieu dit, il a créé une créature qui est capable d'entendre. Jésus est comparé à quoi? À la parole de Dieu. C'est important, les oreilles. Les oreilles, en tant que telles, ce n'est qu'un mécanisme qui traduit des impulsions sonores en impulsions nerveuses qui rentrent dans notre cerveau. Où, selon moi, le cœur se cache. Le cœur, c'est les sentiments, la volonté, les décisions. Les sentiments, la manière d'être. Tout ce qui fait l'homme est là-dedans. Bon, il y en a qui aiment le voir ici. Je ne m'oppose pas à ça. Mais Dieu a donné les oreilles, et les oreilles, vous savez que les oreilles peuvent servir à entendre des nouvelles. Les Athéniens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur temps à faire quoi, les Athéniens? À écouter des nouvelles. À déblatérer avec ces nouvelles-là. Est-ce qu'ils entendaient vraiment? Ils entendent des choses. Qu'est-ce qu'ils font avec? Des histoires. Ça vous fait pas penser à ce qu'on fait aujourd'hui avec les journaux, les médias, dès qu'il y a une nouvelle, c'est à celui qui va avoir la nouvelle en premier pour le dire à son voisin, peut-être plus rapidement. C'est pas ça qu'on fait souvent. Oui, Michel. Vas-y. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on peut avoir des oreilles, puis on entend des nouvelles. Il y a des gens qui peuvent être ici ce matin, puis tout ce qu'on va dire, ça va être comme des nouvelles. Ils vont sortir d'ici, ils vont prendre d'autres nouvelles, puis ça se mêle avec tout le reste, puis on pourrait dire que c'est quasiment la première terre du semeur. Vous êtes d'accord? C'est pas ce type d'écoute-là que Dieu vise ici. On est d'accord avec ça? Parce qu'entendre des choses, on peut entendre plein de choses. Il y a des gens qui lisent plein de livres. Puis c'est du savoir, puis tu sais pas à quoi ça sert dans leur vie. C'est juste du savoir. Puis d'ailleurs, du savoir, ça reste pas longtemps quand c'est pas mis en pratique. Ça disparaît tout de suite. C'est remplacé par quelque chose qui paraît mieux. Puis après ça, on remplace ça par quelque chose qui paraît mieux. Puis on est toujours en train de courir après quelque chose qui va mieux, mais qui change pas la vie des personnes. Fait que celui qui a des oreilles pour entendre le Seigneur ici, c'est comme si il est en train de dire à ceux qui l'écoutent, à quelque part, il y a un temps où Dieu ouvre la compréhension de quelque chose en rapport avec lui-même, sa volonté, ou ce qu'il y a à dire au sujet de l'homme, peu importe le sujet. Et Jésus, quand il déclare ça ici, ne fait que reprendre une parole de l'Ancien Testament où l'Éternel, il nous a dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Quand vous voyez le mot parole de l'Éternel, là, prenez garde à ce que vous dites, à ce que vous entendez. Prenez garde. Je saute par-dessus les références, parce que j'aurai pas le temps de toutes les faire ce matin. Juste regarder dans Matthieu 13, 15. Regardez une situation où, vous savez, Jésus a eu plusieurs discussions avec les pharisiens. Une des discussions qu'il a eues, je ne la lirai pas ce matin, mais je veux juste vous rappeler le souvenir. On est à Jérusalem, on est dans la dernière semaine avant qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite. Puis les pharisiens viennent discuter avec lui, puis là Jésus va leur donner deux paraboles d'affilée concernant les vignerons, la parabole des vignerons. Hein? Dieu a fermé une vigne à des vignerons. Puis après, les pharisiens comprennent que c'est pour eux que Jésus a dit cette chose-là. Donc, Dieu a eu un rendez-vous avec les pharisiens à ce moment-là précis. Jésus leur donne des avertissements à travers deux paraboles. Et le texte de Matthieu nous rappelle que les pharisiens ont compris. Ils ont entendu. Ils ont eu des oreilles pour entendre cette partie-là. Mais c'était des paraboles de malheur. Parce qu'à la fin de la parabole des vignerons, qu'est-ce que va faire le maître de la vigne quand il va revenir? Ils vont arracher la vigne aux vignerons, puis les autres, ils vont périr. Donc, ils ont eu un rendez-vous avec Dieu ici. Mais ils n'ont pas pris garde, certains d'entre eux, probablement la majorité, n'ont pas pris garde à ce qu'ils ont entendu. Comprenez le sens? Dans Matthieu 13, 15, c'est une autre situation. On va lire à partir de 31. J'ai dit 13, 15. 13, 31. Pourquoi j'ai dit 13, 15? Un peu. Dieu est en train de s'aborder mes notes, là, c'est pas grave. Ça va aller dans le bon sens. OK. On va lire 13, 15 en premier, mais on lira l'autre passage après. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Une citation du prophète Ésaïe. Dieu annonçait d'avance à Israël qu'il allait se comporter comme ça. Jésus ici reprend cette parole-là. Et écoutez ce qu'il dit. Ils ont endurci leurs oreilles. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Hein? Prenez garde à ce que vous entendez dans le texte qu'on voit dans Marc, mais si vous allez dans Luc, le même texte va dire « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Il y a deux choses. Prends garde au contenu, puis prends garde à la manière dont tu écoutes. Prends garde à la manière dont tu vas filtrer ça. Et ici, Jésus rappelle à Israël, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, les deux sens par lesquels la parole peut rentrer. Donc, il y a une décision volontaire ici de l'individu qui reçoit « Je veux rien savoir. » De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Comprenez-vous qu'entendre et comprendre de leur cœur, et le cœur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intelligence, les sentiments, la volonté. C'est le cœur qui répond à la parole de Dieu qui a été entendue par les oreilles. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voyez-vous que entendre ici, c'est important. C'est relié à quelque chose, à un rendez-vous que Dieu a avec les individus. Mais regardez un petit peu plus loin, on va voir l'exemple. Le royaume des cieux, c'est encore la parabole du semeur. Non, c'est pas ce passage-là que je cherche. Excusez-moi. Quand je l'ai fait, ils sont clairs devant moi, mais ici, là, j'ai oublié de me laisser des notes pour m'en souvenir. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Hein? C'est le moment où Jésus discute avec les pharisiens à propos de la tradition. Vous savez, les pharisiens avaient la tradition de dire, concernant le cinquième commandement, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Mais vous, vous dites que si quelqu'un a déclaré quelque chose offrant à Dieu, vous n'êtes pas tenu d'observer, d'honorer votre père et votre mère. Puis là, Jésus dit « Hypocrite, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition ». Puis là, il va citer un passage d'Ésaïe dans lequel il va déclarer « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dans le fond, son cœur n'entend pas la parole de Dieu que j'ai dit. Et là-dedans, Jésus va, c'est la suite qui m'intéresse, là, puis je ne me rappelle plus à quel endroit je lis. Hein? Matthieu 15, 5? OK, puis là, Jésus va... Parce que la base de cette discussion-là, c'est que les disciples transgressaient le commandement de Dieu au profit de... les disciples... Pourquoi tes disciples transgressaient d'eux? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Là, Jésus va donner un enseignement sur le lavage des mains. Au verset 10, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Encore, écoutez ce mot-là, là. Écoutez et comprenez. Donc, Jésus a un rendez-vous avec la foule qui est là, pas juste les disciples. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort de la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Alors, les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Parce que là, Jésus vient de balayer toute leur tradition reliée au lavage des coupes. Chose qui n'était pas même pas dans la loi. Pas pour le sacrificateur, celui qui rentrait dans le temple. Il y avait un lavage, mais pour le reste du peuple, il n'y avait pas de lavage des mains et des coupes. Ça, c'est une tradition humaine. Là, Jésus est en train de faire un enseignement profond. Il dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Et vous allez avoir la perle que Jésus a dit. C'est un petit peu plus loin, il dit, au verset 16, il va parler à ses disciples. Verset 15, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Il n'a pas compris encore, Pierre. Mais au moins, il demande, Seigneur, je veux comprendre. On ne fait pas tout le temps ça, nous autres. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Oreille qui comprend, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Là, Jésus a affirmé quelque chose que la loi disait depuis bien longtemps, mais il le dit d'une manière différente, dans un contexte particulier, où il y a un rendez-vous avec des personnes qui entendent, et plus que ça, il y a un rendez-vous avec nous autres, parce qu'aujourd'hui, on a cette parole-là devant nous. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est pas ce qui rentre dans sa bouche. Donc, ici, on a un organe de sortie qui s'appelle la bouche, qui souille l'homme. Demain, il y a aussi les gestes, qui peuvent être des organes de sortie du cœur de l'homme. Mais généralement, on est entraîné par nos paroles. Parce que quand on déclare des choses mauvaises, on finit par les faire. Surtout si on a fait un vœu. C'est que si on revient dans Marc 4, vous avez compris le sens d'entendre, que lui, il a des oreilles pour entendre. Quand Dieu a un rendez-vous avec une personne, qu'il soit croyant ou incroyant, rate pas ton rendez-vous. Rate pas ton rendez-vous. Arrête de résister. Prends garde à la manière, prends garde à ce qui est dit. Et si tu ne comprends pas, prie le Seigneur qui te l'explique, qui change la parabole pour te l'expliquer. Il y en a plein de paraboles pour expliquer. Peut-être qu'il y en a une nouvelle qui va te montrer encore plus ce qu'il veut dire. Prends garde au message. Puis prends garde à la manière. Et la manière, c'est relié à ce que tu vas faire avec. Relié à la pratique de cette parole-là. On va s'y attacher un petit peu plus loin tout à l'heure. Fait que si on vient dans Marc, juste pour pas perdre notre fil. Verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on ajoutera pour vous. Puis au verset 25, car on donnera celui qui l'a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, si je comprends ça dans le contexte de ces paraboles-là, Jésus est en train de dire ici, si tu ne prends pas garde, donc tu es en train de mesurer la parole de Dieu, selon ta propre mesure. Tu es en train de dire que la parole de Dieu, c'est de la chenoute. Ça ne vaut pas la peine. Tu es en train de la mépriser. Tu as eu un rendez-vous avec Dieu, mais tu es en train de la mépriser. Et on peut faire ça comme croyant, pas ça. C'est pas juste réservé aux inconvertis. Puis si tu mesures la parole de Dieu comme ça, Jésus ici fait une promesse. On va te mesurer de la même manière. Si tu as méprisé Dieu dans ses paroles, un jour va arriver un temps où Dieu va te mépriser devant tout le monde. Ça s'appelle le jour du jugement. Vous êtes d'accord? Et pour les croyants, ben il y a un temps où tous les scandales dans le royaume de Christ vont être mis en évidence. Sois pas associé à l'un d'eux. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, ici, c'est pas dit là, mais si vous allez ailleurs dans d'autres passages, vous allez voir, la même phrase revient. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Fait que la personne qui va arriver l'autre bord devant Dieu et qui va être jugée par Dieu va perdre tout ce qu'elle pensait avoir. Perdre sa dignité. Va perdre la liberté, il va perdre tout. Tout. Il va perdre tout. Il va perdre tout ce qu'il a actuellement. Et c'est majeur comme promesse de Jésus. C'est pas une petite promesse ici. On passe souvent par-dessus, mais on a la difficulté à la saisir profondément. Maintenant, revenons à nous. Le Seigneur veut que les croyants portent du fruit. Et trop souvent, le fruit que les croyants portent, pas trop souvent, mais ça arrive que le fruit que les croyants portent est extérieur. C'est pas véritablement le fruit que le Seigneur veut qu'ils portent. Puis, pendant un certain temps, ça peut même affecter leur vie de croyant, de saint. Ça peut même les garder dans l'amertume. Parce que la quatrième terre, le Seigneur est glorifié, il veut que celui qui entend la parole porte du fruit. Et si c'est la volonté de Dieu, je pense qu'il nous donne les moyens pour que ça arrive. Mais prenons garde, encore une fois, de comprendre vraiment ce que le Seigneur veut dire par là. Je vais vous suggérer ce matin, je dis pas que j'ai parfaitement raison dans tout, mais ça va nous travailler sur quelque chose, ensemble. Et quand je vous parle, ça me travaille autant que vous pouvez être travaillé assis sur votre chaise. D'accord? C'est pas juste pour vous là, qu'on dit ça. Un des fruits, on l'a, le fruit de l'esprit, on l'a décrit dans Galates. On va le relire ce matin parce qu'on a tendance à pas relire des passages qu'on connaît trop. Galates 5. On est toujours dans le contexte du royaume de Dieu. On est dans le royaume de Dieu terrestre. C'est un royaume qui n'est pas complètement révélé. C'est un royaume dans lequel le Seigneur dirige nos vies, individuelles et collectives avec le corps de Christ. C'est inséparable, en passant. La vie individuelle est dans le corps de Christ, c'est pas en dehors du corps de Christ. Et dans Galates, Dieu nous rappelle ici ce qu'il entend par le fruit de l'Esprit. Mais on va le lire à partir du verset 13, Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Hein, la vérité libère. Si j'ai entendu la vérité et que je l'ai mis en pratique, ça m'a libéré. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Vivre selon la chair, ça c'est vivre selon l'orgueil. L'orgueil que j'ai quelque chose qui m'a été que j'ai eu et qu'il ne m'aurait pas été donné. Ou de désirer des choses que avec lesquelles je vais me glorifier vis-à-vis des autres. Particulièrement les croyants, en ce qui concerne les croyants. Ça peut être toutes sortes d'affaires. Vous allez voir. Et il dit, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Charité ici étant l'amour. Cet amour-là que Dieu nous a donné fait partie du fruit de l'esprit. Vous allez le voir plus bas. Car toute la loi est accomplie dans cette parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain ici se comprend dans le corps de Christ. En passant, le corps de Christ, il est ici avec ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, mais il est aussi en devenir avec ceux qu'on ne connaît pas encore. Et Michel nous a témoigné, je ne sais pas si il a témoigné devant l'Assemblée, il me semble que oui, que Dieu l'a rempli d'amour pour les futurs croyants. De telle sorte qu'il devient esclave des futurs croyants avec Gilles, excuse-moi Gilles. Mais c'est tous nous autres, dans le fond, qui sont là-dedans. Verset 15. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et je suis convaincu que Dieu a fait un travail merveilleux ici à date, depuis les dernières années. Il nous a vraiment réconciliés et on n'est plus rendu à l'étape de se mordre les uns les autres. Mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Rendez-vous Par la charité, serviteur, ça c'est esclave. Ça a combien de droits, un esclave? Ça n'a pas de droits. Ça passe en dernier, quand il y a des restes. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, il est en train de nous dire que le Saint-Esprit, c'est le cadeau, c'est le don, par excellence, qui nous tire dans une direction. Marcher selon l'Esprit, c'est, je suis en train de chercher l'Esprit, et l'Esprit me montre d'aller dans une direction. Vous êtes d'accord? Et ça implique une action. Ça implique pas, je vois l'Esprit-Saint, puis je fous rien. Je prends mes tapes, j'en vais plus loin. Je marche avec l'Esprit. J'obéis. Mais des fois, on ne le voit pas toujours. Il faut prier pour le voir. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui viennent troubler nos affaires. Fait que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voudriez. Posez-vous des questions quand vous hésitez. C'est peut-être un combat de l'esprit contre vos désirs charnels dont vous n'avez pas conscience. Ça peut arriver. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Généralement, quand on marche selon la chair, on est toujours en train de se comparer par rapport à des règles. Ah, j'ai fait ça, c'est bien. J'ai pas fait ça, c'est mal. Ça, c'est marcher par la chair. Mais marcher selon l'esprit, il n'y a pas de bout. Tu n'es pas en train de te comparer avec une règle quelconque. Pour savoir si tu es bien dans ta peau ou tu n'es pas bien dans ta peau. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Regardez, c'est tout relié à des relations avec les autres, ça. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Une vie désorganisée, l'impureté. Des pensées impures, toutes sortes d'affaires. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça, c'est les œuvres de la chair. Fait que si je marche selon la chair, c'est ça que je vais produire. C'est ça que je vais avoir dans mon cœur. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu, il revient, là. C'est intéressant, hein? Le royaume de Dieu est ici, là, comme dans les paraboles. Et la déclaration que Dieu nous fait ici à travers la bouche de l'apôtre Paul, si vous commettez de telles choses, on ne parle pas là d'un accident, on parle d'une vie continuelle là-dedans. Vous n'héritez pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous êtes exclu du royaume de Dieu, la porte vous est fermée. Et vous aurez beau crier devant le Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas enseigné, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus va déclarer, je ne vous connais pas. Voyez-vous que porter du fruit, c'est essentiel à la vie du croyant. Mais on a des fois des compréhensions du fruit qui n'est pas celle que les Écritures ont et qui peuvent nous troubler. Mais le fruit de l'Esprit, regardez bien ça, le fruit de l'Esprit, il y a plusieurs caractéristiques au fruit de l'Esprit, il y en a 9. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ceux qui viennent du Bénin. Pour le Togo, j'ai rien. Ni pour le Cameroun. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre telle chose. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Et quoi? Avec ses passions. Passions qui nous amènent sur toutes sortes de et ses désirs. Le fruit de l'esprit. Donc, porter du fruit en abondance dans la quatrième terre, donc c'est ça. De telle sorte que quand je vois Thérèse, ce que je vois chez elle, c'est la grâce que Dieu lui a faite. Et ça serait fait comment? Par son amour, par sa paix, par sa bonté, par sa bénignité, par sa tempérance, par toutes sortes d'affaires. Et si je regarde Christian, c'est la même chose. Il est en train de se flatter. Comprenez-vous le point? C'est ça qui témoigne. C'est ça que le Seigneur veut voir dans nos vies. Et oui, parmi nous, il y en a qui vont prêcher la parole. Oui, gloire à Dieu. Mais ne vous limitez pas juste à dire des choses sur Jésus. Soyez Jésus. Allez, là, c'est toute une commande. Soyez des Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas en accord avec ça, taisez-vous. Attendez que le Seigneur ait produit cette œuvre-là. Ce n'est pas des blasphémateurs de Jésus-Christ. Mais je vous dis, le témoignage qu'on a à rendre souvent de Jésus, ce n'est pas de leur raconter l'Évangile de long en l'air avec toutes les doctrines. C'est simplement dire, moi là, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais cet homme-là, maintenant Dieu a fait une œuvre de merveille. Et ça, personne ne peut vous l'arracher. Toi, je ne sais pas, tu ne veux pas embarquer, tu ne veux pas croire, regarde, viens et vois. Jésus, ça ne se prend pas par les idées. Oui, ça s'enseigne, mais ce n'est pas les idées qui font. C'est expérimental, Jésus-Christ. Il faut que tu mettes ta foi en lui. Sinon, tu ne comprendras jamais rien. Tu ne porteras jamais de fruit. Et ça, c'est l'Évangile qui se dit en 2 minutes. Mais qui se vit d'abord. J'étais cet homme-là, je suis maintenant différent. Et c'est la grâce de Dieu envers moi. Et là, je suis une lumière pour tous les autres. Comprenez-vous? Jusqu'à quelle heure, monsieur? Cette heure-là? OK, tout le monde est fatigué. Fait qu'on se rappelle ce matin que quand Jésus dit que Jésus a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, c'est quelque chose qui a rapport avec toute notre être, tout notre cœur, tout est là. Et ce sont des rendez-vous que Dieu appointe avec des individus. Et il ne faut pas mépriser ces rendez-vous-là. Si ce matin, tu n'appartiens pas au Seigneur, ça peut arriver, là. Les quatre terres peuvent être ici, dans l'Église, dans le corps de Christ. Ou que tu as manqué des rendez-vous avec le Seigneur. Tu es peut-être un dernier appel que le Seigneur fait dans ta vie. Mais sache qu'il n'en fera pas éternellement des appels. À un moment donné, Dieu ferme la porte. Et c'est fini pour toi. Et ça, j'en veux pour preuve ce qu'il nous est dit dans Hébreu. On va regarder dans Hébreu, d'abord Hébreu 3, 7 à 12. Vous avez l'Épître aux Hébreux, quelque chose? Ça vous dit quoi? Hein? C'est dans le Nouveau Testament. C'est un passage dans Hébreu 3, 7, là. C'est un passage qui nous rappelle ce qui est arrivé aux Israélites dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Déjà 40 ans, c'était déjà un jugement que Dieu avait porté sur eux. Ils n'ont pas entré dans la terre promise parce qu'ils ont refusé d'entendre. Ils n'ont pas pris garde à ce qu'ils ont entendu ou dans leur cas qu'ils ont vu aussi. Et regardez, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est pour Israël. Mais si vous allez un peu plus loin, le même passage est repris. Au verset 14, « Nous, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Et le passage est répété encore une fois plus loin. Au chapitre 4 et au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On voit que celui qui a des oreilles pour entendre, Jésus déclare quelque chose, il dit à ceux à qui il a été donné d'entendre la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-les pénétrer. Soyez de la bonne terre. « Et je vous le dis, comme croyant, on peut ne pas être de la bonne terre sur des choses que Dieu nous montre puis qu'on refuse d'entendre. Oui, on peut fermer puis on peut vivre des situations troublantes comme croyant. On n'a pas, marchons selon l'esprit, portons du fruit. Laissez le Seigneur porter du fruit. Et le fruit que vous avez apporté, ce n'est pas quelque chose que vous allez vous imposer, c'est quelque chose qui va découler naturellement de qui vous êtes, de ce que vous faites, de l'état de grâce dans lequel vous vivez. Méditez sur la grâce qui vous a été faite en Jésus-Christ. Et heureux l'homme, mais qui trouve son plaisir dans et qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'il y a une loi qui a été déclarée au sujet de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a déclaré quelque chose de légal au sujet de Jésus? Vas-y. Ça, c'est sur la montagne de la Transfiguration. Il y a trois disciples de présent, Pierre, Jean et Jacques. Celui-ci, mais mon fils bien-aimé, il l'a dit au baptême aussi. Écoutez-le. Et Jésus a déclaré, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il y a une loi, hein? N'essaye pas de rentrer au ciel sans Dieu. Il y a une règle, là. Ferme pas ton cœur. Si tu ne comprends pas, tu peux y obéir, même si tu ne comprends pas. Parce que tu fais confiance à Dieu. Oui, c'est relié à la foi, tout ça. Hébreux 10, 26 à 29. C'est un passage encore qu'on a vu, qui se rapporte aux oreilles d'une certaine manière. Oui, vas-y. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. C'est ça. Donc, le Seigneur, quand il parle, mon problème à moi, c'est mes oreilles. Il s'éloigne des œuvres de la chair. Et le fruit découle naturellement de sa vie. Je la médite, je la ressasse dans mon cœur, puis juste clarifier peut-être aussi quelque chose. Méditer la parole, oui, vous pouvez l'apprendre par cœur. Notre grand défaut aujourd'hui, c'est qu'on a des livres qui sont tellement faciles de lecture qu'on oublie d'apprendre par cœur, dans retenir certaines vérités par cœur. Et on a des difficultés à méditer à cause de ça. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de nous servir de notre mémoire. Mais dans l'époque, le psaume premier, il fallait l'apprendre par cœur, il fallait le chanter. On l'apprenait par cœur. Puis à un moment donné, sans que vous vous en rendez compte, ça rentre dans votre cœur et ça vient influencer votre vie. Fait que, n'ayez pas peur d'apprendre des petits passages. Je n'ai pas obligé d'apprendre toute la parole de Dieu, mais retenez les vérités. Faites-vous un devoir, peut-être de l'écrire sur votre mur. À force de le lire, on finit par en savoir les fondements, les passages avec lesquels le Seigneur travaille vos vies. Si vous avez des difficultés, vous êtes en train de vivre une situation de pardon, sortez les passages sur le pardon. Mettez-les sur le mur. Regardez-les. Quand vous les lisez régulièrement, là, ça commence à influencer, ça commence à sortir la chair, ça fait rentrer l'esprit, marcher par l'esprit. Ça va? Ça fait que, juste Hébreux 10, 21, on va conclure avec ça. On est sur la base que Dieu donne des rendez-vous avec les personnes, les croyants comme les incroyants. Il y a un rendez-vous particulier, Dieu les appelle, Jésus dit, tu as des oreilles pour entendre, écoute bien, prends garde à ce que tu entends. Et prends garde, là, ça veut dire agis en fonction de ce que tu entends. Car si nous péchons volontairement, Hébreux 10, 26, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si je résiste à la parole de Dieu, on le comprend souvent dans le contexte de la conversion, mais si je résiste, moi, comme croyant, à la parole que le Seigneur veut me montrer, je peux-tu te dire que je vais mener une vie misérable de croyant? Je marche plus par l'esprit, là, je marche par la chair, parce que je me fais juge la parole de Dieu. Je me fais juge de sa volonté dans ma vie. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Puis, tout le temps que tu vas vivre en rébellion avec le Seigneur vis-à-vis quelque chose qui te manque, bien, ce que tu attends, c'est le jugement dans ta vie sur ça. Et c'est pas agréable. Tu ne me feras pas croire que tu vas vivre une vie épanouie. Tu vas vivre une vie misérable. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Écoutez, je suis convaincu que le Seigneur ici fait dans notre Église quelque chose de grandiose. Mais soyons attentifs. Restons attentifs. Gardons des oreilles ouvertes. N'ayons pas peur, même quand on ne comprend pas, au moins de prier le Seigneur. Le Seigneur peut diriger plein de personnes ici qui vont répondre. Et on a un grand Dieu, il est miraculeux, il est capable d'accomplir des œuvres miraculeuses. Il faut le croire, il faut demander avec foi, en se confiant en lui. On arrête ici.